Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la France traverse en ce moment une crise, la crise des gilets jaunes. Cette crise a évidemment de multiples aspects, mais elle a au moins une importante dimension fiscale. Or, cette désormais célèbre taxe sur le diesel n'est pas le premier impôt jugé injuste en France. Il y a d'autres exemples de super-fails fiscaux. Souvenez-vous, en 1467. Mais tu ne braconnes pas, toi, aujourd'hui, hein? Ah, c'est vrai, oui. C'est fait. Dis donc, tu ne peux pas répondre quand on te parle, non? Tu as 8 moutons, hein? Eh bien, t'en apporteras 4 après-demain au château. J'en dois plus que 2. J'en ai donné 2 à l'automne. À l'automne? Je vous dis que j'en ai déjà donné 2 à l'automne. Ouais, ben tout ça, c'est des mensonges. Tu dois 4 moutons! J'en dois 2, j'en porterai 2. T'en porteras 4! Et c'est un ordre. Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que vous n'avez pas le droit. Et toi, quel droit de braconner? Hein? Voleur! Matichou! Des droits. Des droits de quoi? Des droits de te taire, oui? Alors c'est un extrait de Jacou le Croquant, une mini-série française en 5 épisodes que les plus de 20 ans ont connu, puisque c'est une série qui a été pour la première fois diffusée en 1969. Jean-Marc Morisot, vous êtes un grand historien, vous êtes notamment un historien des campagnes françaises, vous avez publié La mémoire des croquants, chronique de la France des campagnes, c'est chez Taillandier. Il faut tout d'abord nous dire qui étaient ces croquants. Alors, ces croquants, c'était des paysans et des gens de village, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, des ruraux au sens très large, en quelque sorte, qui, vu de la ville, étaient des gens qui se révoltaient souvent et qui étaient souvent méprisés, notamment dans le cadre de luttes fiscales ou antifiscales que les campagnes françaises ont dû mener depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Alors, je l'ai dit en introduction, la taxe sur le diesel n'est pas le premier super fail fiscal que la France a connu. On a décidé donc de remonter à 1467. Qu'est-ce qui se passe en 1467, Jean-Marc Morisot? Eh bien, dans le Berry, en 1467, et même en Bourbonnais, dans la région de Saint-Amand-Montrond, éclate une révolte qu'on appelle celle des Galants de la Feuillée, véritable jacquerie paysanne contre les exactions fiscales que le roi imposait pour, en quelque sorte, assurer la sécurité dans son royaume et entretenir les gens de guerre. Et c'est pas propre au centre de la France, puisqu'en 1478, on est donc au milieu du XVe siècle, dans le pays d'Albret, en Aquitaine, autour de Casteljaloux, on a 5 ou 6 villages qui se révoltent contre les subsides qui sont imposés pour l'entretien de ces gens de guerre. Alors on va avoir ensuite, au cours du XVIe siècle, un développement de ces révoltes de croquants quand la monarchie veut introduire des impôts nouveaux, là où ils n'existaient pas, et là où certains privilèges, en quelque sorte, protégeaient les provinces. C'est le cas de l'Aquitaine à nouveau, en 1548, où, cette fois à l'époque d'Henri II, l'introduction de la gabelle entraîne une véritable révolte en Saintonge. La gabelle, qu'est-ce que c'était ? La gabelle, c'était l'impôt sur le sel, qui était à l'époque un produit de première nécessité pour conserver les aliments au cours de l'hiver et du printemps, et pour donner également aux animaux. Et ce sel, c'est un peu l'équivalent de l'essence ou du pétrole d'aujourd'hui. Et la taxation sur la gabelle constituait véritablement un prélèvement insupportable auprès des populations, et notamment des populations rurales. Et en 1548, les gens de l'Aquitaine, qui étaient protégés de la gabelle, se révoltent contre l'essai d'introduction de la gabelle. C'est la révolte des Pitots, révolte terrible, qui entraîne un bain de sang et la descente des cloches des églises, les cloches qui sonnaient le tocsin pour rassembler les villageois révoltés. Mais malgré tout, l'épreuve de force réussit, c'est un peu comme aujourd'hui, et Henri II refuse, finalement, accepte plutôt, de ne pas introduire la gabelle. Alors, Jean-Marc Morisot, dites-nous, parce qu'aujourd'hui, on explique que le taux de prélèvement est de 46% en moyenne. À l'époque, un paysan, qu'est-ce qu'il verse à son seigneur? Quel est, en quelque sorte, le taux de prélèvement? Alors, les taux varient selon la situation et le statut des paysans. Mais il faut bien voir que les paysans sont dans une époque où les rendements, par exemple céréaliers, sont 10 à 15 fois inférieurs à aujourd'hui. Et dans une civilisation où le pain, qui est un pain de froment, mais surtout un pain de mélange de seigle et de froment, un pain de métail, comme on dit, assure les trois quarts de l'alimentation. On mange 800 grammes à 1 kilo de pain par jour, un pain qui est trempé, qui donne de la soupe, évidemment, depuis le matin jusqu'au soir. On est donc dans une société un peu de survie, et où, mis à part 10 à 15% de la population, l'essentiel des gens cherche à avoir suffisamment pour vivre. Et donc, dans ces conditions, les prélèvements coûtent très cher. Et surtout les prélèvements royaux plus que seigneuriaux. Parce que les prélèvements royaux sont en argent en général, pour l'impôt direct qu'est la taille. Il faut donc vendre, il faut trouver de l'argent pour payer les quartiers de taille 4 fois par an au roi. Et cet impôt, il augmente terriblement au XVIIe siècle, quand la France entre en guerre, notamment contre l'Allemagne et contre l'Espagne, et il est multiplié par 3 en l'espace de 15 ans. Et c'est l'époque où on a des jacqueries de croquants qui se développent en France, notamment dans le sud-ouest, avec les révoltes des croquants du Périgord, ou les révoltes des croquants d'Auvergne ou du Quercy, et même en Normandie, avec les nu-pieds. Mais là, on a un autre impôt aussi qui joue, c'est l'impôt indirect avec l'impôt sur le sel. On l'a vu pour les pitons en 1548, en 1639 autour d'Avranches, en Normandie, les paysans, mais également les ruraux en général, et les villageois qui sont un peu protégés de cette taxation, voient arriver finalement une surtaxe sur le sel et s'insurgent. Et c'est pour eux vital parce que ces prélèvements, en quelque sorte, représentent entre 20 et 30% sans doute de la production. Mais il faut bien voir que pour la production, il faut en garder pour ressemer, par exemple, de l'ordre de 20 à 25%. Et s'ajoute à cela un prélèvement lié à l'Église, qu'on appelle la dîme, qui est de 8 à 10% en général. Et effectivement, beaucoup de paysans ne sont pas propriétaires, doivent des loyers à leurs bourgeois ou à leurs bailleurs, des redevances. Donc tout ça ajouté, si on ajoute les prélèvements de l'Église, du roi et des seigneurs, et si on ajoute également ce qu'il faut mettre de côté pour assurer les semences et donc les futures récoltes, évidemment, eh bien, il ne reste aux paysans vraisemblablement que 30 à 35% hein, de sa production. Ah oui, ce qui fait quand même très peu. Il doit faire vivre sa famille, il doit acheter les autres produits de consommation et puis économiser pour pouvoir doter ses enfants et assurer l'avenir familial. Alors d'autres exemples de révoltes paysannes, de révoltes de croquants, Jean-Marc Morisseau, suite à une fiscalité. Il y en a beaucoup. Il y en a dès la fin du XVIe siècle encore avec ce qu'on appelle les fameux croquants. Mais les croquants, on les voit arriver au Limousin en Périgord en 1593 et en 1594. Encore une fois, c'est l'excès des impôts qui pèse pour le entretenir ce qu'on appelle les gens d'armes, hein, c'est-à-dire les armées plus ou moins régulières, qui entraînent ces révoltes, et elles culminent entre 1624 et 1637, avec deux grandes séries de révoltes de croquants, dans le Quercy, en Auvergne, et surtout en Périgord, quand on veut introduire un impôt sur le vin, qu'on appelait les aides. Hein, quand on veut introduire également une fiscalité sur la taille beaucoup plus lourde avec des agents administratifs qu'on appelle les élus, qui veulent augmenter la taille dans ces régions-là. Et là, c'est une véritable flambée de violence qui se poursuit jusqu'en 1641, hein, contre ce qu'on appelle l'augmentation de l'impôt, hein, l'excès des tailles, en quelque sorte. Est-ce que c'est une spécificité de la France, ces révoltes fiscales, ou est-ce que vous les observez finalement dans toute société paysanne, Jean-Marc Morisseau ? Alors, il y a évidemment des révoltes ailleurs. Hein. Il y a la révolte des Segadores, par exemple, en Catalogne, en 1641. On a bien d'autres révoltes en Europe, mais pas avec une aussi grande densité qu'en France. Hein. On a vraiment l'impression que ailleurs, les communautés rurales et les corps intermédiaires réussissent en quelque sorte à arbitrer beaucoup plus facilement qu'en France, où la violence est davantage dans la culture de notre civilisation hexagonale. Et d'autre part, cette poussée plus grande qu'on a en France, cette tradition, en quelque sorte, elle tient aussi, je dirais, à l'organisation précoce d'un État moderne qui a besoin, évidemment, de développer une armée, une administration et de financer tout cela, et qui voit d'en haut les choses, on le voit bien aujourd'hui encore, dans un État très grand, où on a un État pré-centralisé, en quelque sorte, où les demandes fiscales viennent de Paris, de Versailles ou de la Cour, et doivent peu ou prou s'imposer, quelles que soient les différences et les privilèges, à une grande partie de provinces qui sont à 200, 300, 500, 600 kilomètres de là. Cela crée une sorte de foyer, en quelque sorte permanent, de contestation à chaque fois que les besoins fiscaux sont très lourds. Et s'ajoute aussi, évidemment, aux besoins et aux demandes, plutôt au prélèvement des seigneurs et puis de l'Église. Et puis, il y a un dernier élément qui me paraît important et qui n'est pas sans écho avec la situation actuelle, c'est que à partir du XVIIe siècle, on voit un développement lent du capitalisme agricole qui se répand davantage au XVIIIe siècle et qui lamine les petits cultivateurs, les petits paysans, les petits laboureurs, et qui prolétarisent beaucoup de journaliers, de manouvriers agricoles qui doivent acheter leur pain et leurs grains, alors que les gros s'enrichissent et spéculent. Et cela atteint un extrême quand, au sommet de l'État, la politique libérale, justement, veut établir une liberté, un libéralisme du commerce des grains, en autorisant tous les gros fermiers, les gros laboureurs, finalement, à vendre où ils veulent, sans leur imposer de vendre sur les marchés, ce qui fait monter les prix. Et c'est Turgot qui, en septembre 1774, au début du règne de Louis XVI, fait rétablir cette liberté du commerce des grains, alors que les récoltes sont pas très bonnes, et quelques mois plus tard, au printemps 1775, les prix s'envolent, alors que la liberté de stocker et de transporter les céréales, finalement, pèse également sur ces prix et joue en faveur des gros producteurs. Et comme la récolte est mauvaise, les prix montent mécaniquement, et la cherté s'aggrave de pratiques spéculatives désormais légales. Et on a un peu un mauvais choix qui s'est fait, le choix du libéralisme en période de pénurie, si bien qu'au printemps 1775, on voit vraiment les conséquences. Une émeute de marché éclate à Beaumont-sur-Oise, qui met le feu aux poudres, et on a une série de désordres qui s'étendent dans le Vexin, dans la plaine de France, dans la Brie, dans la Beauce, dans le Beauvaisis, c'est même plus loin, dans les provinces de Normandie, en Picardie, en Champagne. On a des régions de grande culture qui contribuent directement à l'approvisionnement céréalier de Paris qui sont touchées. Et on a des émeutes, si bien qu'on voit des petits laboureurs et des journaliers qui viennent dans les fermes pour se servir en quelque sorte et obliger les grands fermiers à livrer leurs grains à un prix juste, dans le cadre d'une économie morale du juste prix. Et alors justement, deux semaines, mais ça crée vraiment un mécontentement très fort et une grande peur sociale auprès de ces grands fermiers. Dernière chose, Jean-Marc Morisseau, comment s'achèvent ces révoltes fiscales? Alors là, et pour ce qui concerne la taxe sur l'essence et surtout sur le diesel, le gouvernement recule. C'est d'ailleurs ça, un superfait fiscal, quand ça provoque à la fois un grand désordre, une grande révolte, et ensuite que l'on recule. Jadis, ça se passait comment avec ces croquants? Malheureusement, souvent, ça se passait mal. C'est-à-dire que l'administration et surtout le roi faisait venir l'armée de ligne, puisque les forces locales, on l'a vu un peu ici à travers Paris d'ailleurs, étaient insuffisantes pour réprimer finalement ces manifestations. Donc c'était l'armée professionnelle qui revenait des frontières, qui évidemment, avec une puissance d'action, une expérience et des effectifs sans commune mesure avec la maréchaussée locale, arrivait à réprimer dans le feu et dans le sang, évidemment, avec beaucoup de pendaisons, de condamnations aux galères, de prix de peine d'emprisonnement, la plupart de ces révoltés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu un certain nombre de succès malgré tout. Hein. Par exemple, pour la Bretagne, pour l'Aquitaine, la gabelle n'a pas été introduite. Hein. Quand ces revendications rejoignent des particularismes locaux que partagent toute une province, il y a une sorte de coalition d'intérêts régionales qui s'oppose finalement largement à la montée de la fiscalité. En revanche, quand ces poussées fiscales touchent surtout les petites gens et les catégories les plus modestes sans pénaliser les autres, ils se trouvent démunis lorsque l'État arrive avec l'armée quelques mois après ou quelques semaines après pour les réprimer. Merci beaucoup Jean-Marc Morisseau. Merci. La mémoire des croquants, chronique de la France des campagnes, c'est chez Taillandier éditeur et vraiment ça mérite d'être offert à Noël. Superfell a été gâché par Daphné Abgral à la production, piétiné par Cindy Le Grémélec à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiaz à la réalisation. Superfell.